comme instantané. Guitare à poudre, une rafale, c'est instantané. J'sors pas du bloc, on m'est condamné. Mental cartel, c'est la street depuis tant d'années. Salope, tu peux pas donner la force. On va venir taper chez ta daronne à 4. On prend tout pour la force, tu n'es pas d'accord. Attention à tes mots, tu n'es pas capable. Je recolte le bénéf à Saint-Aurin. Je vire 100 000 à mon fils avant 6 ans. En bombe au studio, pas le temps d'en faire rien. Je vais pas faire du rap jusqu'à 36 ans. À 4 dans l'Allemagne, on va braquer le convoi. Bing, et t'as eu le comptoir. Y'a beaucoup de petites passes de trottoir. Beaucoup d'indies qui font les voies du notoire. Le thé est libérable, on va chercher un cortège. Le soir, on fait trembler la ville sur des compètes. Des fans veulent assez, je cherche les contacts. La concu, je la vends, là, c'est des trompettes. Journée la cargaison, le charbon tourne sa mère. Hier, ils ont fait des centres, ils ont laissé le guetteur par terre. Une rafale dans ton salon, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, je fais pas que du son, y'a de la frappe que je ramène. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. On négocie pas, non, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. On négocie pas, non, on est content. Chacun sa part, on est content. Parle au comptable, vu les montants. J't'en mets une seule dans le menton. Sors de la street, j'ai la mention. Niquer des mères, niquer des grand-mères comme Macron. J'passe de l'école au tribunal en 2-2. À 16 ans, je détaillais solo la teute. À 18 ans, en terre, je fumais la purple. Le client est louche, le bon et la GoPro. Sous-estimé, j'vais tout niquer comme Japon. On monte un empire de la drogue dans la tessie. Ils veulent que tu coules ta réussite, ils sabotent. 13ème à l'usine, toujours là comme Jack Capone. En cabine, c'est chaud, on se croirait dans le Vésuve. Y'a que la balance qui a donné la préversion. Marseille, c'est bouillant comme la chatte à Mia. J'suis nia, j'ai nié, t'as conduit tes minas. Son nous aura la mentale, elle est solide. La vengeance côtoie la faucheuse dans le bolide. J'vais tous les guillets faire un trait comme au bolide. J'vais racheter la rue, c'est pas le monopoly. J'fournis la cargaison, le charbon tourne sa mère. Hier, ils ont fait des centres, ils ont laissé le guetteur par terre. Une rafale dans ton salon, je sais ce qu'il me reste à faire. Non, je fais pas que du son, y'a de la frappe que je ramène. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. On négocie pas, non, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. Chacun sa part, on est content. On négocie pas, non, on est content. J'allume le feu, je sors, je suis d'astreinte. Et quand je veux, je sors l'album, même si je fais pas stream. C'est la rue qui m'a nourri, pas comme c'est pas le tringue.